Chapitre 344. La réprobation d'entamer une salat facultative alors que le muezzin a commencé le second appel à la prière, iqama, que cette prière facultative soit rattachée à la prière obligatoire ou en soit indépendante. 1759. D'après Abu Huraira, anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, quand le muezzin annonce le début de la prière, iqama, aucune prière ne doit être entamée hormis la prière obligatoire qui vient d'être annoncée. Muslim.